Lire et Temps, votre émission littéraire présentée par Mona. Bonjour à tous. J'ai aujourd'hui le plaisir d'accueillir Madame Geneviève Gilardin qui vient nous parler de son recueil « Histoire d'école, de l'indignation à l'espérance » publié aux éditions Les Deux Encres. Bonjour Geneviève. Bonjour Mona. Alors pouvez-vous vous présenter, nous parler un peu de vous ? Eh bien, je suis une ancienne de l'éducation nationale. J'ai d'abord fait des études d'allemand pour enseigner cette langue. Et je me suis rendu compte assez rapidement que des élèves intelligents ne réussissaient pas. Et j'ai souhaité approfondir, j'ai souhaité comprendre pourquoi ces élèves que je trouvais fort intelligents ne parvenaient tout simplement pas à réussir scolairement. Donc j'ai repris quelques études en psychologie et je suis devenue conseillère d'orientation psychologue. Et c'est plutôt à ce titre que j'ai souhaité écrire ce petit ouvrage « Histoire d'école, de l'indignation à l'espérance ». Oui. Alors, c'est ça qui vous a donné envie d'écrire, parce qu'en même temps, vous êtes très, très éclectique. J'ai vu que vous aviez aussi publié deux romans autobiographiques, un recueil de contes de Noël bilingue français-allemand, et que vous êtes aussi auteur-compositeur d'un livre de CD de chansons. Oui. En fait, c'est vrai que ce sont des sujets très divers et variés. La ligne directrice serait peut-être l'humanisme. La relation humaine, la compréhension de l'âme humaine, voilà, à travers différents types d'ouvrages, puisque les deux romans, en fait, c'est un roman en deux livres, c'est pas un roman, en fait, c'est tout simplement c'est l'histoire de ma maman, mais vue sous un angle non pas tant anecdotique que psychologique, affectif. C'est plus une réflexion sur une réflexion de type, quasi universelle sur l'âme humaine, sur la relation mère-fille. Enfin voilà, les contes de Noël, je pense que les contes de Noël bilingues expriment chacun une idée, délivrent chacun un petit message modeste, mais une petite pensée, quoi. Quant aux chansons, je pense que chacune, effectivement, a un thème différent, mais effectivement, tout ce que j'ai écrit tourne autour de l'humain. D'accord. Alors, pouvez-vous maintenant nous parler d'histoire d'école ? Tout d'abord, je souhaitais l'intituler « Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien ». Mais compte tenu de sa source, il m'a été dit « Ah non, non, non, surtout pas au sujet d'école, il faut changer ce titre ». Et aujourd'hui, je regrette un peu de ne pas être restée sur ma première idée, parce que si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. C'est vraiment le thème central de mon petit livre. Voilà. Alors, pourquoi j'ai écrit ce livre ? Eh bien, c'est vrai que tout au long de ma carrière, d'abord comme enseignante et surtout, comme je l'ai dit, comme conseillère d'orientation psychologue, j'ai été amenée à travailler essentiellement auprès de jeunes en très grande difficulté, non seulement scolaire, mais également psychologique, culturelle, sociale. J'ai beaucoup travaillé auprès d'enfants et d'adolescents qui cumulaient souvent beaucoup, beaucoup de problématiques. Et quand un enfant a des difficultés, avant même d'entrer à l'école, très souvent l'école fait office de symptôme. Et en fait, je pense qu'il faut creuser, il faut aller à la source du mal pour essayer de l'éradiquer. Et ce que j'ai voulu exprimer, c'est que doterait-on l'institution, les établissements, de tous les moyens possibles et imaginables. Les moyens sont indispensables, certes, mais les moyens à eux seuls ne suffisent pas à résoudre les grandes difficultés que connaissent trop de jeunes à notre époque. Donc, doterait-on les établissements de tous les moyens technologiques, informatiques, pédagogiques même, si la pédagogie n'en reste qu'à une simple technique, je suis convaincue que l'on n'arriverait pas, on ne parviendrait pas à enrayer l'échec scolaire, l'ennui scolaire et le décrochage scolaire. L'essentiel étant le regard posé sur l'enfant, la foi en l'enfant, quels que soient ses résultats, ses performances et même son comportement. Je pense qu'il faut aller au-delà. Il faut aller au-delà, il faut respecter l'enfant, il faut l'aimer, tout simplement. D'accord. Alors, nous allons faire une première pause musicale. Vous avez choisi de nous faire entendre « Voix sur ton chemin » du film « Les choristes ». Nous sommes toujours avec Geneviève Gillardin pour son recueil « Histoire d'école ». Alors, c'est un peu la biographie de votre vie professionnelle. Pourquoi ce livre ? Vous aviez envie de témoigner, de donner des pistes ? J'avais envie de témoigner, oui, parce que j'ai entendu tellement d'enfants, de jeunes déjà cassés dans leur courte vie, la plupart du temps déjà cassés sur le plan familial, très souvent, et puis après, je dois le dire, cassés à l'école, et trop souvent par l'école, à cause de programmes inadaptés, de prérequis tout simplement, non acquis justement, pour pouvoir accéder au savoir scolaire. Je pense que l'école, notre école, elle est parfaitement adaptée aux bons, aux très bons élèves, ceux qui ont la chance d'avoir des parents, des adultes qui s'occupent d'eux, qui reprennent à la maison ce qui a été expliqué en classe. mais les trop nombreux enfants qui sont livrés à eux-mêmes, qui n'ont personne qui puisse retravailler avec eux, je pense que pour eux, c'est mission impossible. Et j'en ai encore la preuve, même en ce moment, je fais travailler un enfant, c'est dans le cadre d'une association caritative, un enfant dont les parents sont d'une autre origine ethnique et linguistique et qui ne peuvent pas le faire travailler à la maison. Cet enfant serait totalement perdu si personne d'étranger, d'extérieur, ne venait à s'occuper de lui et à reprendre avec lui son travail scolaire. Mmh. Alors, vous y parlez aussi de la formation des maîtres qui n'était pas appropriée. Et maintenant, c'est mieux ? Je ne crois pas. D'après mes informations, je pense que on en reste encore malheureusement trop souvent à l'apprentissage éclectique et approfondi d'une matière. Le français, les mathématiques, la physique, l'anglais, l'histoire géo, etc. Mais je pense que la connaissance de l'enfant, du préadolescent, de l'adolescent, est encore bien, bien insuffisante. Non seulement la connaissance humaine, mais la gestion d'un groupe, la dynamique de groupe, les enseignants à leur décharge, les enseignants ont des classes toujours beaucoup trop nombreuses, avec des élèves beaucoup trop différents, difficiles pour beaucoup, et n'ayant pas cette formation suffisante en psychologie, en pédagogie, en animation de groupe, sont démunis pour beaucoup, à moins d'avoir un charisme, je dirais, inné, ce qui est quand même rare. Je crois que c'est extrêmement, extrêmement difficile. Mmh. Extrêmement difficile. Alors, c'est aussi un peu un ouvrage à charge contre ce qui a été appelé le mammouth. Réunion Itegui, consignes qui viennent du ministère, nouvelle expérimentation. Vous en pensez quoi ? Dans ma carrière de conseillère, je me suis souvent sentie assise entre deux chaises. D'un côté, il y avait les enfants, les familles, le travail sur le terrain où il y avait des besoins énormes, en temps, en énergie, en ressources humaines profondes. Et de l'autre, j'étais fonctionnaire, c'est-à-dire je devais fonctionner, obéir à la consigne, répondre aux injonctions qui m'étaient faites. Je donne par exemple toujours l'exemple de l'orientation après la classe de 3e. Les élèves ont, à cet âge-là, ils ont 14-15 ans, ils sont en pleine adolescence, en plein remaniement de leur personne, de leur personnalité, de leur corps. Ils n'ont aucune expérience de la vie professionnelle, aucun recul, aucune maturité. Et souvent, dans les cas les plus difficiles, on leur demande de faire un choix d'études, voire même un choix professionnel qui va engager leur vie entière, alors que je vous assure que dans la grande majorité des cas, c'est vraiment pas le moment, quoi. Ils n'ont absolument pas la possibilité de choisir, d'où des problèmes majeurs d'orientation quelques années, voire des années plus tard. Mmh. Alors en plus, on peut penser qu'ils ont un rêve d'avenir professionnel. Ils sont souvent rattrapés, hélas, par le bulletin de notes. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, les ados ont encore la possibilité de réaliser leurs rêves ou bien sont-ils de plus en plus confrontés à la réalité des débouchés et du spectre du chômage ? Eh bien, j'aurais tendance à dire que dans trop de cas, trop souvent, trop d'enfants, trop de jeunes doivent renoncer à leur rêve premier. Et effectivement, vous savez, c'est toujours la dichotomie entre le principe de rêve et le principe de réalité. Alors, l'idéal, c'est d'arriver, c'est de parvenir à un équilibre entre, d'un côté, le rêve, parce que je suis convaincue qu'il ne s'agit en aucun cas pour quiconque de renoncer totalement à son rêve, parce que quand on étouffe la vie, vous savez, la vie, elle ressurgit toujours. On l'étouffe d'un côté, elle ressurgit de l'autre. Donc si on étouffe un rêve, qui est le principe de vie, on tue la personne. Donc je pense que, par exemple, pour nous, conseillers d'orientation psychologue, il ne s'agit en aucun cas d'étouffer ce principe de rêve, ce principe de vie, mais il faut toutefois, et c'est capital, tenir compte de la réalité, donc du principe de réalité, qui sont effectivement les résultats scolaires, les problèmes de débouchés, le marché de l'emploi. Donc l'idéal, c'est d'arriver à tenir les deux bouts de la ficelle. Vie, rêve d'un côté, réalité, résultats scolaires, débouchés, etc. de l'autre. Et ça n'est pas aisé, ça n'est pas facile, mais je crois vraiment que là est notre travail. Alors il est certain que certains enfants cumulent les problèmes, notamment lorsqu'ils ne maîtrisent pas la langue française. Alors que préconisez-vous pour ces enfants? Des classes spéciales le temps qu'ils maîtrisent la langue? Je sais que ce n'est pas vraiment la tendance en faveur de ces classes spéciales, puisque ce serait créer une sorte de ghetto, mais est-ce pas condamner ces enfants à un autre ghetto, celui du décrochage scolaire? Moi, je pense qu'il faut essayer, tout en les intégrant, je pense qu'il ne faut pas les séparer de leur père, P-A-I-R-S, parce que je pense que c'est capital pour eux sur le plan personnel. Mais je pense qu'il faut tout de même les soutenir de manière extrêmement proche et serrée sur le plan linguistique. Je crois qu'il faut les deux. Il faut vraiment déployer pour ces enfants-là le maximum de moyens à la fois professionnels et humains. Et surtout, surtout, il faut leur donner confiance. Vraiment leur donner confiance. Parce que je remarque que souvent, ces enfants-là manquent de confiance en eux. D'où, la plupart du temps, leurs attitudes, ce sont des attitudes soit de repli, d'inhibition, soit au contraire, des attitudes de violence. Parce qu'ils, dans certains cas, ils ne se sentent pas reconnus, ils ne se sentent pas acceptés. Donc, ils réagissent comme ils peuvent, soit par l'inhibition, soit au contraire par des comportements inadaptés et inappropriés, inacceptables bien sûr, mais qui sont explicables. Donc vraiment, je pense qu'il faut mettre le paquet, pour parler de manière un petit peu familière, sur la problématique de ces enfants-là, et les aider et les aimer. Il y a une lettre qui change entre aider et aimer. Oui. Les aider et les aimer au maximum. Alors devant les manquements à la discipline ou face à la violence, il faut bien trouver une sanction. Alors comment trouver la bonne réponse, la juste punition? Je suis d'accord avec vous. Je pense qu'il faut... Bon, déjà, je déteste le terme de punition. Vous l'avez mis entre guillemets, mais ça ne s'entend pas effectivement à la radio. Je déteste ce terme de punition. Je pense qu'il ne faut pas, il faut pas que ça soit la double peine, parce que, ou la triple peine, ou la quadruple peine. Parce que, vous savez, les neurosciences, en ce moment, font des découvertes remarquables. Je pense au livre de Céline Alvarez, Les lois naturelles de l'enfant, au livre du docteur Catherine Guéguen, Pour une enfance heureuse. Les neurosciences, en ce moment, sont en pleine expansion et font des découvertes remarquables et qui sont de première utilité, donc sur le fonctionnement du cerveau, sur la...

Si tu penses un peu comme moi, alors dis halt à tout. Et maintenant, papa, c'est quand qu'on va où? Geneviève Gilardin, où peut-on trouver votre livre ? Alors, je pense qu'il est toujours répertorié donc sur Internet, à la FNAC et sur Amazon. Sinon, on peut le trouver auprès de moi-même. Donc, on peut me trouver sur Facebook, à Geneviève Gilardin, G-I-2-L-A-R-D-I-N. Ou alors sur la page que je co-anime et qui s'intitule « Public Montessori 14, une école pour la paix ». Je pense que ce sont les lieux essentiels où l'on peut trouver mon livre. Mmh. Alors, quels sont vos projets ? Alors, je suis en ce moment sur un manuscrit sur le père et la paternité. J'ai la conviction profonde que trop d'enfants, malheureusement, soit n'ont pas de père, ou plus de père, soit parce que les parents sont séparés, divorcés, ou parce qu'il est parti, ou alors ont un père, mais un père qui n'est pas suffisamment présent, ou un père violent, enfin, quand je parle du père, je pense vraiment au père, au vrai père, le père présent, présent, qui soit à la fois tendre, affectueux et ferme tout à la fois. Le père, c'est le charpentier, c'est celui qui charpente la personne, qui structure la personne. C'est celui qui protège, c'est la loi, c'est la sécurité. Le rôle du père est absolument essentiel. Mais le père, le vrai, vrai père, le père présent, présent, présent, qui s'occupe de son enfant, de ses enfants et de son épouse, bien sûr. Et quand il n'y a pas de père, il n'y a pas de papa, il faut trouver une figure masculine ? Il faut trouver ce que Boris Cyrulnik appelle très justement des tuteurs de résilience. Je pense qu'une figure masculine est essentielle. Oui, des tuteurs de résilience qui puissent tuteurer l'enfant. Alors merci à Geneviève Gilardin d'être venue nous parler d'histoire d'école, de l'indignation à l'espérance. Rappelons que ce recueil a reçu le prix Jules Ferry au concours international du CEPAL 2015. C'est quoi le CEPAL ? Le Centre européen pour la promotion des arts et des lettres. Alors merci Geneviève. Merci Mona.